C'est la chronique du club de golf de Chipogamo avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel. Bonjour Denis. Michel, on ne s'est pas parlé en dehors des ondes avant. Est-ce qu'il y avait une coupe des champions la semaine passée? Non, la semaine dernière, c'était la visite de nos amis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, oui, comment ça a été? Ça a été super bien. On avait une trentaine de joueurs de l'extérieur. OK. Ils ont été enchantés par la qualité de notre terrain. Okay. On a fait deux belles compétitions. Samedi, on avait un tournoi en équipe de deux. Et dimanche, c'était le Field Day régional. Donc, des belles performances. Les gens très heureux de leur fin de semaine. Bon, ben bravo. Puis j'imagine qu'il y a des golfeurs de Chipogamo qui ont bien performé. Oui, mais principalement des joueurs de l'extérieur. Okay. Qui ont tiré leur épingle du jeu. Entre autres, en classe 2A, Danny Tremblay, 70 de Saint-Gédéon. Ouais. En classe A, Yves Guy de Delbeau, okay. 76. Puis en classe 2B, Marco Terrien, également de Delbeau, avec 79. Bon, ben bravo à ces golfeurs de Delbeau, Mistassini et également de Saint-Gédéon. Hey, dis-moi, Pierre-Alexandre Bédard, en fin de semaine, était à Toronto. On lui a parlé cette semaine. 73, ça prenait 69 pour se classer. Il est pas loin, hein? Non, il est pas loin. Il était 60 à la qualification. Ouais. Il a terminé 25e. Puis, c'est toujours des questions de millimètres. Hein? Ouais, ouais, ouais. Un petit pote qui peut tomber, qui tombe pas. Puis, il est certainement là, pas loin de ce niveau de joueur-là. Effectivement. Donc, on va surveiller ça de près. Hey, en fin de semaine, j'ai fait une entrevue avec Rémi Curtness, le président du club de golf de Saint-Prime, parce qu'il y a une grosse activité en fin de semaine ici à Saint-Prime. Dis-moi, et puis il me disait, on est regardé du côté des autres clubs de golf. Est-ce qu'on passe un peu du côté de Chipogamo de faire un peu la même affaire ou c'est trop loin? Oui, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus facile de regrouper des joueurs ouais. quand les autres clubs sont à proximité. D'ailleurs, nous, on aura des joueurs demain à l'Open à Saint-Prime. On va avoir des joueurs aussi qui vont être dans le tournoi des équipes samedi. Et on aura également des représentants au Field Day dimanche. Donc, c'est sûr que pour Saint-Prime, c'est une très, très belle visibilité. Ouais. C'est un beau gros fin de semaine. Puis on leur souhaite le maximum de succès et de belles températures. Ben, Pierre-Alexandre Bédard fait partie, est encore membre du club de Chipogamo, donc, puis lui, il est carrément là-dedans, là. Oui, il est là, d'ailleurs. Il va être partie prenante demain de l'Open. Il va faire le Skins Game demain en soirée. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, l'année dernière, j'étais présent. Je vais être encore présent demain. C'est tout un spectacle à voir. Et en plus, cette année, avec leur concours de plus longs frappeurs provinciaux, c'est beau. C'est très, très, très belle. Très belle initiative et un beau spectacle ben oui. pour les gens qui veulent voir du beau golf. Hey, en passant, qu'est-ce qui se passe cette semaine maintenant du côté de Chipogamo? Chipogamo, rien en fin de semaine. Okay. C'est le début des vacances. Ouais. Donc, c'est une des rares fins de semaine où on n'a pas au moins une activité. Mais en fin de semaine, rien. Donc, on laisse la disponibilité pour tous ceux et celles qui veulent venir jouer chez nous. OK. Ben Michel, jeudi prochain? Avec un plaisir, Danny. Voilà, c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Michel.